Les sportifs coréens ont gagné 7 médailles dans diverses disciplines dans le cadre des 31e Jeux Olympiques. Le 12 courant, Lim Jong-sim s'est placé première avec 274 kg au classement total, à la catégorie de 75 kg de l'haltérophilie pour dames, pour ainsi devenir deux fois championne olympique. Le 15, Lee Se-gwang a battu les Russes et Japonais au cheval d'argent à la gymnastique aux agrès et s'est classé premier. Oh Myung-chul, Choi Ho-sim et Kim Gu-kyung ont obtenu respectivement les médailles d'argent à l'épreuve de 56 kg de l'haltérophilie pour messieurs, aux épreuves de 63 kg et de plus de 75 kg de l'haltérophilie pour dames. Par ailleurs, Kim Song-hi et Kim Song-wook se sont placés troisième en match de simple dames de tennis de table et au tir de revolver à 50 mètres pour messieurs.